m'a changé. I think about the best. Good evening. This is the voice of Enigma. Trompette. Thank you. La guitare, ça va. Salut là. De moi, j'ai besoin de te parler. Parler de toi, parler de moi, jusqu'à demain peut-être, ou bien jusqu'à la mort. Je ne sais pas encore le temps qu'il durera, cet amour que nous vivons là. Jusqu'à demain peut-être. Bien jusqu'à la mort, jusqu'à demain peut-être, bien jusqu'à la mort. On se jette dans l'amour comme dans une eau claire, et on fête chaque jour comme un anniversaire. Et je te donne tout, je te donne toi. On dira qu'on ira jusqu'au bout, on dira pas de quoi. Que nous vivons là, jusqu'à demain peut-être, bien jusqu'à la mort. Jusqu'à demain peut-être, bien jusqu'à la mort. Ressemblons toi et moi à ces bêtes sauvages qui se mordent quelquefois pour s'aimer davantage. Fait mieux, jamais on le fera. Avec un peu d'eau et de feu, plus d'amour que ça, plus bel amour que ça, plus bel amour que toi, plus bel amour que ça, plus bel amour que ça. Rapproche-toi de moi, j'ai besoin de te parler. Parle de toi, de moi, jusqu'à demain peut-être, jusqu'à la mort peut-être. Jette dans l'amour comme dans une eau claire, et on fête chaque jour comme un anniversaire. Je te donne tout, je te donne toi. Tu raconteras jusqu'au bout, tu dis pas de quoi. Thank you. autour de moi. J'ai besoin de te parler. Et parler de toi et moi. Jusqu'à demain peut-être, ou bien jusqu'à la mort. Jusqu'à nous peut-être, jusqu'à la mort. Thank you. Thank you. Thank you.